franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de LuxLeaks, ou comment un État, le Luxembourg, en l'occurrence l'un des pays fondateurs de l'Union Européenne, vole dans les poches de ses voisins. Comment ? En aspirant une grande partie des recettes fiscales des grandes entreprises. Au début de la construction européenne, c'était l'acier qui coulait dans les veines de ce petit pays industriel et ouvrier. 70 ans après le traité de Rome, en proposant des avantages fiscaux défiant toute concurrence à de grandes multinationales, le Luxembourg est désormais le pays qui possède le PIB par habitant le plus élevé de l'Union européenne. Comme lors de l'affaire offshore Leaks, Swiss Leaks, ou dernièrement celle qu'on nomme les Panama Papers, l'affaire LuxLeaks prend son essor après la publication de documents par l'International Consortium of Investigative Journalists, un groupement de journalistes donc et de médias internationaux qui travaillent en collaboration sur un volume important de documents émanant de lanceurs d'alerte. Ils les analysent puis ils les publient. Ainsi, le 5 novembre 2014, ce consortium publie 28 000 documents qui mettent en lumière les montages financiers de grandes entreprises pour transférer leurs profits au Luxembourg afin qu'ils n'y soient pas taxés, ou très faiblement. Une manœuvre, on l'aura compris, destinée à échapper à l'impôt dans les pays où pourtant ces entreprises réalisent de gros profits, bien souvent. Derrière cette fuite, il y a notamment un homme, Antoine Deltour, ancien salarié du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, l'un des mastodontes de l'audit mondial, qui décide un jour de donner ses documents à un journaliste français, Édouard Perrin. En 2012, il est le premier à utiliser ces documents et à raconter l'histoire de ces accords fiscaux anticipés qu'on nomme « tax rolling ». 2 ans plus tard, lors d'une émission du magazine Cash Investigation produit par Première Ligne, ce sont ces mêmes documents qui sont au cœur de l'affaire LuxLeaks. Depuis ces enquêtes, que s'est-il passé? L'alerte a-t-elle été entendue? Que sont devenus les tax rolling? Comment le Luxembourg et l'Europe ont-ils fait face à ce scandale? Et enfin, qui sont les accusés et les condamnés de l'affaire LuxLeaks? Pour répondre à ces questions, à la suite du récit, nous recevrons notre confrère Nicolas Cory, cofondateur du journal en ligne Les Jours, qui publie depuis plusieurs mois une enquête sur l'évasion fiscale au Luxembourg et dont le dernier article révèle le traitement fiscal avantageux accordé par le Luxembourg à la société française Engie, dont l'État français est actionnaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, attaché de production Emmanuel Fournier, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Ludovic Asselot. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. C'est en 2008 qu'Antoine Deltour fait ses premiers pas au Luxembourg. Après l'obtention d'un diplôme dans une école de commerce, il effectue son stage de fin d'études de l'autre côté de la frontière, chez PricewaterhouseCoopers. Connu également sous le nom de PwC, c'est l'un des cabinets d'audit les plus importants au monde, aux chiffres d'affaires gigantesques de 34 milliards de dollars et qui embauche sur toute la planète plus de 195 000 salariés, dont 2600 au Luxembourg. Pendant 2 ans, Antoine Deltour se rend à PwC qui se situe dans un quartier éloigné du centre-ville. À l'intérieur de ses bureaux, Antoine découvre l'une des antichambres du système fiscal luxembourgeois. L'une de ses missions, par exemple, consiste à vérifier la conformité avec la législation de ce pays des montages financiers proposés par d'autres sites étrangers. Dans ce pays, pas plus grand qu'un département français, il y a près de 50 000 holdings étrangères, soit une pour 10 habitants. Pourtant, quand on se promène dans la capitale, on ne rencontre aucun siège, aucun quartier d'affaires à la hauteur des sommes d'argent que transfèrent ces entreprises sur les terres du Grand-Duché. Non, il faut pousser les portes d'immeubles aux devantures modestes, sans éclat ni prestige, pour trouver ici et là, sur des boîtes aux lettres, les seules traces de la présence de ces grandes entreprises. Au 5 rue Guillaume Kroll, par exemple, dans un immeuble de 4 étages, près de 1600 holdings étrangères ont élu domicile. Eh oui, le Luxembourg est un paradis fiscal sans soleil, aux bureaux exigus et souvent déserts. En 2010, après 2 années à PricewaterhouseCoopers, Antoine Deltour démissionne. À la veille de son départ, il parcourt la base informatique de PwC à la recherche de quelques documents de formation. C'est là qu'il tombe par hasard donc, sur un dossier intitulé ATTA, acronyme de Advance Tax Agreements, qu'on connaît également sous le nom de Tax Rulings. Là, il découvre des centaines d'accords fiscaux anticipés signés entre des grandes entreprises et le fisc luxembourgeois. Le dossier n'est protégé par aucun mot de passe ou identifiant. Alors, Antoine les copie, puis quitte l'entreprise et les terres du Grand-Duché. Après sa démission, il passe les concours de la fonction publique et les documents, eux, restent inexploités. Peu à peu, il tente de contacter des ONG, laisse des commentaires dans la presse, mais personne ne réagit. En 2011, en revanche, le journaliste Édouard Perrin, qui prépare un reportage sur l'évasion fiscale des entreprises pour une nouvelle émission de France 2 intitulée Cash Investigation, tombe sur l'un des commentaires anonymes d'Antoine. Et il comprend que l'homme est décidément bien informé. Il prend donc contact avec lui et lui donne rendez-vous. Durant cette rencontre, Antoine accepte de lui laisser copier les documents de PwC. Quelques mois plus tard, le 11 mai 2012, Antoine Deltour, comme les spectateurs de France 2, découvre le reportage d'Édouard Perrin intitulé « Paradis fiscaux, les petits secrets des grandes entreprises », documentaire produit par Première Ligne. À l'heure où l'Europe entière resserre tous ses budgets, où on ne parle que de rigueur, certaines grandes sociétés utilisent toutes les failles pour échapper au système. Nous avons découvert ce qui devait rester caché sûrement à jamais, les montages fiscaux souvent douteux de certaines des plus grandes sociétés du monde. Pendant une heure, à l'aide d'un confrère anglais, ancien contrôleur des impôts, le journaliste français remonte le fil des documents de PricewaterhouseCoopers, transmis par Antoine Deltour, car il veut comprendre comment ces grandes entreprises, en toute légalité, organisent et montent l'évasion fiscale d'une partie de leurs bénéfices vers le Luxembourg. Sur la foi de ce document, on peut définir les étapes de l'opération ainsi. Le montage est réalisé par le cabinet de PricewaterhouseCoopers, où se trouve le siège de l'entreprise. Puis celui-ci le transmet à PwC au Luxembourg, qui les valide avant de les présenter au fisc luxembourgeois. Les cabinets d'audit ont plusieurs outils à leur disposition pour faire fondre les impôts dans les pays où ils réalisent des bénéfices. L'un des plus courants est de réduire la base de revenus imposables en créant une société qui, par un jeu de prêt, rapatrie les intérêts défiscalisés au Luxembourg, comme l'explique Édouard Perrin dans un autre extrait de son film. Une multinationale française fait des bénéfices partout dans le monde. Si elle les remonte directement au siège en France, ils sont taxés. Alors l'entreprise crée une filiale, au Luxembourg par exemple. Cette filiale reçoit les bénéfices. Ensuite, elle transforme ces bénéfices en prêts. Un prêt à la maison mère française. Évidemment, le prêt n'est pas gratuit. Le siège doit payer des intérêts sur l'emprunt qu'elle a contracté à sa filiale luxembourgeoise. Ces intérêts, la maison mère va les déduire en France de sa déclaration d'impôt. Résultat, les bénéfices imposables en France sont fondus, comme par magie. C'est légal, validé par le droit européen. Et tant pis pour les caisses de l'État français. Ces accords passent ensuite entre les mains du fisc luxembourgeois. Tout se déroule au 18 rue Fort-Védel, situé à deux pas de la gare routière, dans l'immeuble de l'administration fiscale et des contributions directes du Grand-Duché. À l'intérieur de ce bâtiment, au bureau numéro 6, se trouve un certain Marius Kohl, surnommé Mr. Rolling. Quand on a rendez-vous avec lui, l'ambiance est, disons, administrative. Oui, l'homme écoute, discute, puis tamponne des accords, qui représentent sans doute des centaines de milliards d'euros d'exonération d'impôts. Parmi les sociétés qui ont dû faire valider leur montage, on trouve des géants mondiaux tels Amazon, Ikea, LVMH, AXA, mais aussi le fonds d'investissement Wendel via sa filiale Winvest, dont l'un des bénéficiaires est Ernest Antoine Sellière. Pour comprendre le montage financier de l'ancien patron du MEDEF, Édouard Perrin demande l'aide du journaliste de Libération Yann Philippin, qui avec lui décode ses documents et explique les avantages du Luxembourg en matière fiscale. On voit illustrer de manière très concrète pourquoi c'est très utile et surtout très rentable de passer par une société luxembourgeoise. Pourquoi ? Parce que la première phrase est assez drôle, vu qu'elle dit « la société est pleinement soumise à l'impôt sur le revenu luxembourgeois ». Mais ça tombe bien, parce que pour les activités de ce type, le chapitre précise que l'apport, la liquidation, la cession de ses actifs ne constituent pas des revenus imposables au Luxembourg. Et enfin, la société est exempte de l'impôt sur la fortune. Donc, il n'y a aucun impôt payé au Luxembourg, donc aucune perte. Hein, c'est comme si le cash circulait dans un tuyau et qu'il n'y avait aucun trou dans le tuyau. Donc, il n'y a aucun impôt. Et Wendel, via Winvest, peut distribuer l'intégralité de la plus-value à elle-même, mais aussi à ses dirigeants, sans qu'il y ait eu aucune taxation à la source au Luxembourg. Après la diffusion de ce reportage, en France comme au Luxembourg, eh bien l'enquête ne déclenche aucune vague, ou presque. Les éléments mis en avant par Édouard Perrin sont repris de façon succincte et parcellaire par les autres médias. Mais en Angleterre, la situation est tout autre. Cette enquête, produite en collaboration avec la BBC, fait de l'optimisation fiscale un sujet à la mode dans les salles de rédaction qui multiplient les reportages et les révélations sur des grands groupes étrangers qui ne payent presque pas d'impôts sur les bénéfices. Le 12 novembre 2012, les députés britanniques prennent le relais. Ce jour-là, ils convoquent à la commission des comptes publics les responsables de trois entreprises florissantes, dont Starbucks, qui n'a payé qu'une seule fois des impôts en Angleterre, alors qu'elle ouvre des boutiques dans tout le pays depuis 1998. Un autre grand groupe a dû s'expliquer devant la commission de la Chambre des communes, c'est Amazon. Et là, le dialogue avec Andrew Cecil, directeur des affaires publiques du groupe, est tendu, âpre même. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont vous diminuez vos bénéfices au Luxembourg. Parce que c'est l'impression que cela donne. Qui est le propriétaire de la société luxembourgeoise ? Au Luxembourg, c'est une holding qui est une filiale d'une société du groupe. Domicilie où ? Cette holding est aussi domiciliée au Luxembourg. Aussi au Luxembourg, d'accord. Cela me paraît être légèrement artificiel tout cela, non ? Je ne suis pas très au courant des détails sur cette holding, mais je reviendrai vers vous avec cette information, avec plaisir. Vous êtes le directeur des affaires publiques. C'est proprement incroyable de prétendre ne pas connaître le propriétaire de la holding. C'est juste pas crédible. Vous savez qui est le propriétaire ? Je serais ravi de revenir. Qui est le propriétaire ? Non, je ne... Le savez-vous ? Non, je ne sais pas. Mais c'est là où va l'argent. Et derrière vous, vous êtes bienvenu avec des conseillers. Non. Il y a quelqu'un qui sait. Ça ne devrait pas être trop compliqué de téléphoner au siège et de savoir qui est le propriétaire, n'est-ce pas, Monsieur Cecil ? Je serais ravi de vous fournir cette information. Lors de cette audition, on découvre que le fisc français réclame à l'entreprise près de 200 millions d'euros d'arriérés d'impôts et de pénalités. Aucune annonce n'avait été faite à la presse sur ce sujet. La fraude fiscale, notamment quand il s'agit des grandes fortunes ou d'entreprises, est une affaire que l'on préfère régler à l'abri des regards en France. Surtout pour ce qui concerne Amazon, car quelques mois avant cette nouvelle, en juin 2012, le ministre de l'économie et du redressement productif, Arnaud Montebourg, se félicitait de l'installation d'une troisième plateforme logistique de cette société en France, Amazon, et de la création de plus de 1000 emplois. Pire, le 26 octobre 2012, le Conseil régional de Bourgogne vote une subvention de 1 125 000 euros à l'entreprise. En résumé, d'un côté le fisc réclame de l'argent à Amazon, de l'autre un conseil régional lui en verse. Une entreprise florissante et subventionnée qui, comme en Angleterre, en Allemagne ou en Italie, ne paye en France que des impôts dérisoires. En 2011, par exemple, Amazon n'a payé que 3 300 000 euros d'impôts chez nous, alors que son chiffre d'affaires est estimé à plus de 1,5 milliard d'euros. Comment cela est-il possible ? À chaque fois que vous achetez un produit sur Amazon.fr, vous payez non pas Amazon France, mais la filiale luxembourgeoise Amazon USARL. Amazon France n'est qu'un site de stockage et de distribution et non de vente. Ainsi, la filiale française réalise peu de bénéfices et paye donc peu d'impôts. Deux ans après la diffusion du reportage, mi-2014, Antoine Deltour, qui a refait sa vie dans sa région natale, est convoqué au commissariat d'Épinal, puis placé en garde à vue. Car après la diffusion de l'enquête d'Edouard Perrin, PricewaterhouseCoopers a déposé plainte contre son ancien employé. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais sans que le cabinet ne s'en doute, ces tax rulings vont bientôt faire enfin les gros titres. En effet, à des milliers de kilomètres des Vosges et du Luxembourg, à Washington. Une partie des documents de PricewaterhouseCoopers arrive dans les bureaux de l'International Consortium of Investigative Journalists. Après une première réunion à Bruxelles en juin 2014, le consortium met en place une base de données en ligne ainsi qu'une rédaction virtuelle dans laquelle 80 journalistes mettent en réseau leurs informations et leurs méthodes et s'entraident parfois pour comprendre les mécanismes mis en place. Le 5 novembre 2014, 4 jours après que Jean-Claude Juncker, l'ancien Premier ministre du Luxembourg, a fait ses premiers pas en tant que président de la Commission européenne, les tax rulings et leurs conséquences font la une des médias du monde entier. Après Wikileaks, oui, certains parlent déjà de Luxembourg Leaks, 28 000 pages qui ont fuité. Elle révèle comment les grandes entreprises s'appuient sur la législation luxembourgeoise pour éviter que leurs profits ne soient taxés. Une loi luxembourgeoise qui fixe en théorie à 29% le taux de l'impôt sur les sociétés. Mais en pratique, les multinationales ne paient que 1 à 5% de taxes. Amazon, IKEA, AXA et Crédit Agricole ont bénéficié de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Je m'étonne qu'on se concentre exclusivement sur le Luxembourg. Étienne Schneider. Mais c'est peut-être dû au fait que les informations qui ont été illégalement mises en circuit proviennent du Luxembourg. Mais c'est un problème qui dépasse largement nos frontières. Même si cette pratique n'est pas illégale, pour le ministre français des Finances, il est temps d'y mettre un terme. Michel Sapin. Les entreprises qui, légalement, trouvent des solutions pour ne pas payer ou très peu payer d'impôts, ça, ce n'est plus acceptable pour personne. 28 000 pages de documents, 548 accords confidentiels entre les autorités fiscales du Grand-Duché, plus de 340 multinationales qui montrent comment des géants de la finance, de la grande consommation, de l'habitat ou du net réalisent des milliards d'économies chaque année grâce à la création d'une holding ou d'une filiale au Luxembourg. Dans chaque pays, un cas, un nom, un montage est analysé, détaillé. En Allemagne, les lecteurs de Süddeutsche Zeitung suivent le jeu de pistes fiscales de la Deutsche Bank ainsi que du géant de l'énergie E.ON. Les journalistes britanniques du journal The Guardian, eux, se sont intéressés à une holding du groupe pharmaceutique Shire, qui a la particularité d'avoir une masse salariale qui ne dépasse pas 55 000 dollars par an, mais dont les bénéfices au Luxembourg dépassent, eux, les 2 milliards de dollars. Dans cette enquête, le consortium international présente les différents outils à disposition des grands groupes pour diriger leurs bénéfices vers les terres du Grand-Duché, comme les prêts internes. Ah, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Réponse du consortium des journalistes dans cette vidéo publiée par lemonde.fr. Monter des prêts internes grâce à une filiale du Luxembourg. C'est comme si tu montais ta propre banque et que tu te prêtais de l'argent à toi-même à l'étranger. Tes ventes internationales te rendent l'argent avec un gros taux d'intérêt. L'argent est transféré au Luxembourg, où l'impôt est dérisoire. Sinon, et dans le genre, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous pouvez utiliser la méthode des royalties. Une filiale luxembourgeoise peut prendre le contrôle de la marque de l'entreprise, puis percevoir des redevances pour l'utilisation de cette marque à l'étranger. C'est un peu comme si tu réclamais de l'argent à tes proches parce qu'ils portent le même nom de famille. Et pour qui a la bonne idée de verser ses redevances à Luxembourg, il y a un joli rabais fiscal de 80%. Et c'est ainsi que l'argent s'échappe des caisses de l'État. Alors, quelle sera la réponse de ces pays et de l'Europe face au Luxembourg ? Quel rôle a joué son ancien Premier ministre Jean-Claude Juncker, devenu président de la Commission européenne ? Et enfin, que va devenir Antoine Deltour ? 12 novembre 2014, 7 jours après la publication de milliers de documents par le consortium de journalistes, Jean-Claude Juncker sort de son silence. Depuis une semaine, il était resté muré dans le silence, déstabilisé par les révélations prouvant que son pays, le Luxembourg, a passé des accords fiscaux secrets avec des multinationales. Jean-Claude Juncker préparait sa contre-attaque et c'est aujourd'hui qu'il l'a lancée devant le Parlement européen. Je ne m'excuse pas pour ce que j'ai pu faire pour mon pays. Évidemment, politiquement, je suis responsable par tout ce qui est fait par l'administration fiscale ou une autre administration luxembourgeoise. L'ambiance est tendue. Les huées et les applaudissements se mélangent. Le président de la Commission européenne choisit alors le contre-pied avec une promesse solennelle, étonnante. La commission que j'ai l'honneur de présider va lutter contre l'évasion fiscale et contre la fraude fiscale. Et le devoir d'action consiste à faire avancer la fiscalité et l'harmonisation fiscale en Europe. Je le ferai, n'en doutez pas. Ne me décrivez pas comme le grand ami du grand capital. Voyez, c'est simple. En cas de crise, vous jouez l'étonnement, l'apaisement, puis vous promettez de travailler sur de nouvelles mesures. C'est également ce que font les chefs d'État du G20 réunis le 16 novembre 2016 lorsqu'ils évoquent parmi leurs objectifs à venir l'importance de travailler conjointement sur le shadow banking, la finance de l'ombre. Pendant que les promesses s'accumulent, les révélations de la presse se poursuivent. Le 9 décembre 2014, une seconde série de documents émanant désormais d'autres cabinets d'audit met en avant le goût de nouveaux groupes, dont Walt Disney pour l'optimisation fiscale. Quelques jours plus tard, c'est une nouvelle fois Jean-Claude Juncker qui est pris dans la tempête quand des journalistes sortent des cartons d'archives un entretien de Bob Comfort, un ancien responsable fiscalité d'Amazon, qui raconte que lors des négociations pour l'implantation du géant du commerce en ligne au Luxembourg, son équipe a travaillé avec le directeur général du ministre des Finances, mais il a aussi rencontré à une ou deux reprises le Premier ministre. Cet entretien, réalisé avant l'éclatement de l'affaire LuxLeaks, prouve qu'à l'inverse de ses premières déclarations, Juncker a suivi de très près ses tax rulings. Malgré tout, le président de la commission tient tête et reste en poste. Du côté de la procédure judiciaire luxembourgeoise à l'encontre d'Antoine Deltour, l'enquête se poursuit. Le 12 décembre 2014, il est mis en examen pour violation du secret des affaires. 2 jours plus tard, dans les pages de Libération puis sur France 2, il sort de l'ombre et s'exprime. On découvre alors un jeune homme, ou bien tout jeune homme de 28 ans, un citoyen simple et posé, qui raconte comment il est devenu, presque par hasard, lanceur d'alerte. À la question « Pensez-vous être condamné ?», le jeune homme répond simplement « J'ai dénoncé des pratiques qui, jusqu'à ce jour, sont légales, mais de plus en plus considérées comme contraires à l'éthique. J'ai du mal à imaginer que je puisse être condamné pour l'exemple. » Bon, et malgré la procédure en cours, si c'était à refaire, que feriez-vous ? Malheureusement, mes convictions m'ont conduit dans une situation où j'encours un certain risque judiciaire, mais je ne le regrette absolument pas. C'est pesant, tout de même, aujourd'hui ? J'y pense tous les jours. Vous pensez à quoi ? Bah, ce qui peut m'arriver par la suite, notamment de la prison ferme, notamment perdre mon emploi actuel. Et je me retrouve dans une situation que j'ai jamais anticipée. Je suis aussi surpris que vous, ou que tout le monde l'a été, par ce à quoi aboutit LuxLeaks. Quelques semaines plus tard, en février 2015, une commission spéciale intitulée « Taxe » est créée par le Parlement européen pour enquêter sur l'affaire LuxLeaks. Malgré son impossibilité de contraindre certaines personnes à venir témoigner, les députés reçoivent, écoutent et questionnent des experts et des acteurs de l'optimisation fiscale, dont Antoine Deltour, qui le 15 juin 2015 conclut son audition par ces mots. Permettez-moi de conclure en vous posant une question, celle d'un simple citoyen inquiet. Sans les recettes fiscales issues des entreprises, quelle pourra être l'ambition des politiques publiques à venir ? Y aura-t-il encore un sens à élire des responsables politiques qui n'auront plus qu'un bien faible pouvoir ? Il est de votre responsabilité d'hommes et de femmes politiques de réguler les pouvoirs économiques et financiers lorsqu'ils vont à l'encontre du bien commun. J'espère que ce constat est partagé et que cette commission produira rapidement des résultats exemplaires et ambitieux. Grâce grâce à ses auditions pendant plusieurs mois, la commission taxe remonte le fil de l'histoire des tax rulings, ses accords fiscaux anticipés, et découvre l'étendue de la porosité et de la faiblesse des règles fiscales européennes. En 1977, par exemple, une directive imposait à l'ensemble des États membres d'échanger de manière automatique toutes les informations nécessaires en la matière. Elle n'a jamais été appliquée. En 1998, un groupe de travail intitulé Code of Conduct passe en revue l'ensemble des différents systèmes fiscaux nationaux. Malgré un rapport qui relate l'existence et l'étendue de ces accords, aucune mesure n'est prise pour en diminuer les effets, notamment en termes de concurrence déloyale. En octobre 2015, la commission taxe rend elle aussi un rapport dans lequel elle propose une série de recommandations, comme par exemple la publication par les multinationales de leurs profits filiale par filiale. Un an après le scandale LuxLeaks, c'est du côté de la commissaire européenne chargée de la concurrence, Margrethe Vestager, que les premières décisions claires sont prises. En effet, le 21 octobre 2015, on apprend que le groupe Starbucks et une filiale de Fiat sont condamnés par cette même commissaire pour des pratiques abusives de tax rulling. Une première symbolique, comme le raconte la journaliste Marion Lourd sur France Inter. Oui, c'est la première fois que ces tax rulings, ces accords passés entre entreprises et États pour fixer à l'avance leur montant d'imposition, première fois que la Commission les qualifie d'illégaux. Jusqu'ici, ils étaient considérés comme de l'optimisation fiscale, un avantage légal. La décision est donc symbolique, si on en croit la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager. Cette décision envoie un message clair. Les administrations fiscales ne peuvent donner à aucune entreprise un avantage fiscal injuste par rapport aux autres, que ces entreprises soient grandes ou petites. J'espère que ce message va rassurer celles qui ont toujours payé le juste montant d'impôts. Ce système artificiel ne tient pas compte de la réalité économique, dit aussi la commissaire. En clair, Fiat et Starbucks auraient dû payer plus d'impôts vu leurs bénéfices. Voilà pourquoi elles doivent aujourd'hui acquitter ces 20 à 30 millions d'euros de sanctions. En attendant que d'autres sanctions soient prises contre l'utilisation abusive des tax rulling, Antoine Deltour, lui, prépare sa défense et son futur procès avec l'aide de son avocat William Bourdon et le soutien de personnalités dont la députée européenne Eva Joly, mais aussi d'inconnus qui se sont constitués en comité. Le 23 avril 2016, au premier jour du procès, ils sont des centaines à accueillir Antoine Deltour à son arrivée dans le palais de justice du Luxembourg où l'attendent sur le banc des accusés le journaliste Édouard Perrin et un second lanceur d'alerte, un certain Raphaël Allais, qui a préféré garder l'anonymat jusqu'au procès. Lui a commencé à travailler chez PricewaterhouseCoopers en 2006. 6 ans plus tard, il est devant son poste de télé quand en mai 2012 est diffusé le reportage d'Édouard Perrin. La suite, c'est Raphaël Allais lui-même qui la raconte au micro de Hayati Barcelone de France Culture. Et un jour, mai 2012, je vois un reportage qu'un champ d'investigation. Ma première réaction, ça a été de me dire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quand je vois les documents qui passent à l'écran, le journaliste qui explique les montages, etc., on ne comprend pas tout. Je me souviens que ma femme m'a dit, de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est? Elle a regardé un peu le reportage, elle n'a pas tout compris non plus. Et je lui dis, mais les documents qui montrent à l'écran, c'est ce que j'ai tous les jours dans les mains, que je suis chargé de, avec mon équipe, de scanner, de photocopier, de classer, c'est ce genre de trucs qu'on fait. J'ai réfléchi, je me suis beaucoup posé de questions pendant une douzaine de jours pour savoir comment faire, comment réagir. Et comme la seule solution qui me semblait possible, le seul canal possible, c'était le journaliste, qui avait déjà fait l'enquête, il maîtrisait déjà un peu son sujet. Je l'ai contacté pour essayer de l'aider comme je pouvais avec mes moyens. Donc vous avez contacté Perrin, c'est ça, de France 2? Tout à fait, contacté le journaliste. On a eu un échange d'emails pendant quelques mois. Je donnais des informations par rapport à ce que je voyais moi de l'intérieur et à ce que je trouvais contraire à l'intérêt général. Et on s'est rencontrés une seule fois en octobre 2012. L'objet de ce procès n'est pas l'immoralité ou la légalité des tax rulling, mais la fabrication de l'enquête d'Edouard Perrin et ses rapports avec les deux lanceurs d'alerte. Un procès d'un autre temps dont la presse luxembourgeoise refuse de faire les gros titres. Alors qu'en France et dans de nombreux pays, on débat de ces questions de la protection des sources, du statut du lanceur d'alerte et des difficultés, globalement, d'enquêter sur la finance. Après deux semaines de procès, le 29 juin 2016, Antoine Deltour et Raphaël Allais sont condamnés à 12 et 9 mois de prison avec sursis, coupables de vol, violation du secret professionnel et du secret des affaires, mais aussi de fraude informatique, de blanchiment et divulgation du secret des affaires. Édouard Perrin lui est acquitté. À la sortie du tribunal, pour Antoine Deltour, en revanche, c'est l'incompréhension. Condamner les citoyens à l'origine de l'affaire LuxLeaks, ça revient à condamner les avancées réglementaires largement saluées à travers l'Europe que ces révélations ont impulsées. C'est aussi une mise en garde adressée aux futurs lanceurs d'alerte, au détriment de l'information, qui est pourtant cruciale au bon fonctionnement des démocraties. Comme Raphaël Allais, Antoine Deltour fait appel de cette décision. Un nouveau procès est prévu à la fin de cette année. Si le mois de juin n'a pas apporté les décisions espérées dans le domaine de la protection des lanceurs d'alerte, on peut dire que le mois d'août a été plus glorieux. En effet, le 30 août 2016, la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, annonce la condamnation d'Apple pour avoir bénéficié de conditions fiscales avantageuses en Irlande grâce à la signature de Tax Rolling en 1991, puis en 2007, méthodes qui ont permis à l'entreprise de ne payer que 2% d'impôts par an, alors que le taux officiel irlandais est de 12,5%, ce qui débouche tout de même sur une amende de 13 milliards d'euros. Depuis cette annonce, la firme américaine a fait appel. Margrethe Vestager, elle, multiplie les coups d'État. Le dernier date du 20 septembre dernier. Ce jour-là, elle annonce l'ouverture d'une enquête contre le géant français de l'énergie, Engie, qui est soupçonné d'avoir bénéficié d'une aide d'État illégale grâce à des accords fiscaux passés avec le Luxembourg. 2 ans après l'éclatement de l'affaire LuxLeaks, va-t-on vers la fin, ou au moins le début de la fin de l'impunité fiscale en termes de fraude et d'évasion? Quand on sait que ce fléau grève sérieusement le budget des États, de surcroît en ces temps de crise budgétaire, on a juste envie de dire oui, pourvu qu'on y parvienne. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le dossier LuxLeaks. Notre invité Nicolas Cory, bonjour. Bonjour. Alors, je le rappelle aux auditeurs, vous êtes journaliste, cofondateur du journal en ligne intitulé Les Jours, pour lequel vous avez entamé une longue enquête sur l'évasion fiscale, en suivant le procès du printemps dernier contre les deux lanceurs d'alerte et contre le journaliste Édouard Perrin, dont nous venons de faire le récit. La semaine dernière, vous avez publié un article sur la société Engie. Nous y reviendrons un peu plus tard. Alors, je ne sais pas quel est le sentiment des auditeurs sur la complexité des montages. Il ne faut pas les noyer non plus dans des choses techniques. Donc, est-ce que vous pouvez revenir quand même sur les tax rolling, éventuellement ajouter quelque chose qui pourrait permettre la compréhension du plus grand nombre, de façon la plus simple possible? Comment on peut faire? Même si on a tenté de le faire une fois, je crois qu'en l'occurrence, c'est bien de le faire deux fois. Oui, mais alors c'est toujours effectivement un exercice assez difficile puisque tous ces montages faits par les multinationales, c'est fait pour embrouiller. Ah oui, alors, d'accord, par définition. Oui. Donc après, on essaye effectivement de décrypter, mais il faut savoir que voilà, l'origine de ces montages, c'est vraiment d'éloigner les citoyens pour ne pas qu'ils jettent un œil sur ces montages et pour pas qu'ils s'intéressent justement à l'impôt qui n'est pas payé par les multinationales. Donc, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut nous-mêmes s'y intéresser comme on le fait, mais tout est fait pour qu'on ne comprennent pas tout, qu'il nous manque des maillons dans la chaîne de compréhension, c'est ça en gros? Exactement, exactement. Et alors, juste pour essayer de bien se rendre compte, il y a deux points à retenir, je pense. D'abord, le tax rulings, c'est en soi, c'est pas quelque chose d'illégal, c'est juste une entreprise qui va négocier normalement, enfin qui va dire aux impôts, voilà ce que je prévois de payer comme impôt. Donc elle va discuter avec le fisc, et le fisc dit à l'avance, oui, effectivement, ce montage me va, vous allez payer, vous pouvez vous attendre à payer dans les années suivantes tant d'argent. Bon, jusque-là, effectivement, pas de problème. Pas de problème. Après, le problème, c'était la manière dont ça se passait au Luxembourg. Et ça a été raconté justement au cours du procès LuxLeaks, et on l'a appris. La manière de faire, c'était PricewaterhouseCoopers, donc, qui était donc un cabinet d'audit qui, en fait, finalement, avait pris en charge la façon le fisc luxembourgeois allait pouvoir juste prendre en compte ces montages. Ça se passait de manière vraiment très prosaïque. Il y avait les tax rulings étaient envoyés à une personne, donc le fameux Marius Kohl, qui était quelqu'un qui travaillait donc à l'administration des contributions directes, qui regardait ce qui se faisait, juste qui avait le temps, même pas le temps d'examiner les montages. Il avait juste quelques minutes pour donner son accord. Il avait comme ça 40 à 50 tax rulings à valider par tous les mercredis. C'est à peu près comme ça que ça se passait. Et il validait. Il validait parce que on lui avait plus ou moins fait comprendre que son intérêt, enfin que son travail ne consistait pas à embêter les multinationales. Donc ça c'était un système qui fonctionnait, qui dysfonctionnait totalement, qui a duré comme ça pendant des années. Et c'est après, on pouvait avoir le Luxembourg est un état de droit, il y a les citoyens luxembourgeois payent des impôts à 29%, donc pour le coup, c'est une situation qui est vraiment similaire à la France. Simplement, l'administration du fisc au Luxembourg n'a pas les moyens humains d'aller chercher des noises aux multinationales. Chercher des contributions justes, hein, c'est-à-dire en accord et en proportion à leurs bénéfices. Voilà, c'est-à-dire qu'il aurait suffi qu'il y ait eu une discussion, que certains tax rulings soient remis en cause pour que derrière, les multinationales aient un travail un peu plus compliqué pour diminuer leurs impôts. Alors là, on est en train de faire le scanner de ce qu'on appelle un paradis fiscal, hein, tout simplement. Est-ce que le Luxembourg a une spécificité? Est-ce que les tax rulings, on en trouve ailleurs, ou est-ce que c'est vraiment très luxembourgeois, pour le coup? Alors, c'est pas du tout une spécificité luxembourgeoise. Mmh. Les Pays-Bas aussi ont procédé à ce petit exercice. La spécificité du Luxembourg, c'est que c'est un pays qui ne vit presque pratiquement que de ça. C'est 600 000 habitants, la moitié des habitants sont des étrangers qui viennent travailler dans la finance ou dans l'industrie qui se met au service des multinationales. Et donc, il y a les expatriés, donc plein de Français, 80 000 Français, qui viennent travailler tous les jours au Luxembourg et qui travaillent donc dans ces cabinets d'audit, comme Antoine Deltour. Antoine Deltour, c'est un trajet que font beaucoup de Français qui vivent en Lorraine ou en Belgique, dans ce qu'on appelle la grande région. Et donc, ces gens-là, comme c'est pas des régions où le chômage est important, et il se trouve que le seul endroit où on peut aller travailler, c'est le Luxembourg. Et Antoine Deltour, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que quand il a fini ses études, il a envoyé son CV à PwC et il a été tout de suite embauché. Donc pour lui, c'était un travail très facile à trouver. Et plein de Français sont comme ça. Et le Luxembourg vit de ça. Et c'est ça qui fait que c'est un des aussi des problèmes posés par LuxLeaks. Et c'est ce qui, moi, m'a intéressé dans mon enquête. C'est-à-dire qu'au jour, ce qu'on fait, c'est on suit les sujets sur la longue durée. Et je trouvais que le procès LuxLeaks, c'était un bon moyen, justement, de s'intéresser à ce pays qu'on connaît très peu, le Luxembourg, et justement la façon dont les populations vivaient avec cette place financière un peu invisible. Vous avez parlé des boîtes aux lettres. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé la première fois que je suis allé à Luxembourg. C'est que quand on se promène dans la ville, on ne voit que ça. Des boîtes aux lettres, avec sur les boîtes aux lettres des noms de holdings assez exotiques. Et la ville est remplie de ça. Mais de boîtes aux lettres, il n'y a pas de grands locaux, de bureaux. Derrière, il peut y avoir un bureau avec quelqu'un dont la profession est de domicilier des entreprises. Voilà, c'est une profession qui permet, au Luxembourg, de gagner quand même pas mal d'argent. Oui, avec un PIB énorme, on l'a dit. Est-ce que les tax rulings, c'est la partie immergée de l'iceberg de la fraude fiscale ? Il y a un peu de tout dans la fraude fiscale. Mais après, le problème, c'est qu'effectivement, on ne peut pas parler de fraude fiscale. Tout est légal, tout est public. Les montages sont déclarés, en fait. Après, ils sont déclarés à l'administration du Luxembourg. Il y a eu effectivement plus de transparence depuis cette affaire. Et donc, les tax rulings ont été communiqués aux autres États. Mais même avant, la plupart du temps, il n'y avait pas de fraude. Il y avait juste, simplement, des montages très complexes qui étaient destinés à déplacer les profits que réalisent les entreprises, à les déplacer au Luxembourg. Donc par des systèmes, ça a été un peu effectivement raconté dans l'émission que vous avez citée de Cache Investigation. Donc c'est toujours le principe est toujours le même, c'est-à-dire que tout ça c'est fictif, c'est artificiel. Pour vous donner un exemple, essayer de se réaliser pour, c'est comme si on se prêtait de l'argent à soi-même. Oui, c'est ce qu'on. Alors ça on l'a. Expliqué dans. Comme si on était sa propre banque et que on réussissait ensuite à déduire les intérêts de ses impôts. Alors, est-ce que on a une estimation de la perte totale des recettes fiscales qu'ont généré ces montages financiers? Alors là, on entre tout de suite dans des approximations, des nombres qui sont énormes, de plusieurs centaines de milliards d'euros. Tout ça, c'est vraiment, c'est des estimations qui sont faites au doigt mouillé. Pour moi, je pense que c'est pas. Mon travail, ça consiste à aller regarder entreprise par entreprise les montages qui sont faits, voir effectivement si. Le fisc français se fait avoir si les montages sont vraiment ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale agressive, donc si c'est vraiment artificiel, les montants après qui sont donnés, c'est des grands nombres et c'est effectivement tout ça, c'est des pertes pour l'État français. Bon, puis, il arrive un moment quand même, et grâce aux lanceurs d'alerte, d'ailleurs dont on reparlera un peu plus tard, où les choses changent un peu. Il y a le cas Amazon, on l'a entendu, l'audition de la commission parlementaire britannique a été quand même bien bien dure. Là, il était acculé, le représentant d'Amazon, vous l'avez entendu, et le reste de l'archive est tout aussi terrible pour lui. À un moment, il se fait vraiment littéralement engueuler, il n'y a pas d'autre mot. Donc ça change quand même, et puis ça change aussi quelquefois grâce à l'implication d'une personne. Alors il y a eu des amendes, l'une des premières à l'encontre des effets des taxes en ligne est prise en octobre 2015 contre Starbucks et Fiat. minutes. Alors, on va écouter l'extrait d'un entretien donné par la commissaire européenne, Margrethe Vestager, sur France Info. Quand je disais, oui, quelquefois, il suffit qu'une personne prenne ça en main, incarne ce combat, et ça peut un peu bouger, et c'est bel et bien le cas de Margrethe Vestager. Ce que nous essayons de faire, c'est simplement de veiller à ce que tout le monde paye une part équitable. Nous ne sommes pas là pour créer de nouveaux impôts, de nouvelles taxes ou des taxes plus élevées. Mais si une société bénéficie par l'intermédiaire d'un État membre d'un avantage que d'autres compagnies n'ont pas, il est simplement juste de faire en sorte que l'équité soit préservée. Il y a un an, on s'en souvient tous, le scandale LuxLeaks a révélé des dizaines d'accords secrets entre le Luxembourg et de grandes entreprises internationales. Est-ce que le Luxembourg, sur cette question, est toujours le problème numéro un en Europe, Margrethe Vestager? Je crois que ce qui est important, c'est de continuer à avancer et on travaille sur d'autres questions comme celle de l'Irlande et d'Apple, Amazon et le Luxembourg, mais aussi sur le régime fiscal belge. Et il faut continuer à poser des questions pour voir et à travailler pour voir si ces aides d'État, elles sont l'objet d'une distorsion vis-à-vis des autres sociétés qui ne sont pas dans ce cas-là, aussi vis-à-vis des citoyens européens. Voilà, pour ceux qui pensent que l'Europe ne sert à rien, voilà une réponse contradictoire. Là, on a une vraie utilité à travers cette personne, Margrethe Vestager. Donc elle a parlé d'Amazon, elle a dit que les choses changeaient, elle a parlé d'Apple aussi, qui effectivement a été épinglé, condamné à une amende alors très importante, de 13 milliards. Peut-être la première vraie condamnation à la hauteur de la taille de cette entreprise Apple, absolument énorme, un trust incroyable. Donc ça bouge quand même. Ah oui, ça bouge. Mais là, ce qu'on voit effectivement avec cette commissaire européenne, qui, entre parenthèses, est vraiment quelqu'un qui a du caractère, qui a une personnalité et qui donc avait vraiment une volonté politique. Ça se voit, 100 ans, bien sûr. Par plusieurs commissaires européens s'étaient essayés auparavant et s'étaient attaqués à Google, mais ça n'avait pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas de volonté politique. Là, on se trouve effectivement dans une situation assez paradoxale où la Commission européenne dans son ensemble doit s'excuser, puisqu'on a Jean-Claude Juncker et donc l'ancien Premier ministre du Luxembourg qui était totalement au courant de tout ce qui se passait et qui donc s'est retrouvé sur la sellette à partir du moment où l'affaire LuxLeaks est sortie et donc était obligé de donner des gages. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la commissaire donc Vestager a les pleins pouvoirs et pour octroyer cette amende est gigantesque, qui est vraiment un signal politique à toutes les multinationales. Et ça, vraiment, oui, c'est le signe que, avec la volonté politique, ça peut changer. Alors, est-ce qu'Engie compte l'emporter au paradis? Parce que donc voilà une entreprise française dont l'État est actionnaire pour un tiers, je crois, hein, autour de 30%. Exactement, 33%. Ouais. Alors, parlez-moi d'Engie. Oui, et de ces tentations fiscales. ce qui est intéressant, c'est que donc jusqu'à présent, on a quand même parlé beaucoup de multinationales américaines parce que elles exagèrent. On le sait, le Google, Apple, elles ont construit leur modèle économique là-dessus, sur l'évasion fiscale. Ce qui moi m'a vraiment paru intéressant ce qui nous a paru intéressant au jour, c'est d'aller enquêter sur les entreprises françaises, sur des noms de gens qu'on connaît. À partir du moment où la commissaire européenne a annoncé l'ouverture d'une enquête sur Engie, on s'y est intéressé ces montages mis en place par Engie. Et Engie, il faut savoir, c'est l'ex-GDF, c'est la fusion de Suez et de GDF, donc c'est Gaz de France, c'est le gaz, pour le coup, on connaît. Un bien public. C'est nos factures. Oui. Et l'État, effectivement, possède toujours 33% du capital. Et ce que moi, j'ai découvert en enquêtant, c'est que ces montages avaient été mis au point dans les années 2000, que Suez, à l'époque, avait créé 26 filiales au Luxembourg, 26 filiales, donc, qui, la plupart, avaient comme objectif, justement, de faire de l'optimisation. Il y avait des filiales avec aucun salarié, des filiales avec quelques salariés, donc quelques petites activités avaient été placées au Luxembourg. Ça veut dire qu'une entreprise, encore une fois, dont le tiers de l'actionnariat est l'État, va s'arranger pour moins payer d'impôts, alors que les impôts doivent financer l'État. On marche sur la tête. Exactement. Mais c'est totalement paradoxal. Et ce qui s'est passé, c'est que ces montages ont été mis en place, donc dans les années 2000, l'État est rentré au capital et l'État, c'est Michel Sapin, c'est qui qu'on entend parler effectivement de lutte contre l'évasion fiscale et qui aujourd'hui est à Bercy et qui pourrait évidemment s'intéresser à ça. Moi, depuis cet article, depuis l'ouverture de l'enquête, je n'ai pas entendu une seule réaction du gouvernement français sur le sujet, ce qui doit prouver quand même leur embarras. J'imagine. L'autre thème de cette affaire est donc aussi la question des lanceurs d'alerte hein, durant le printemps. Alors vous avez suivi, vous, le procès d'Antoine Deltour, de Raphaël Allais et d'Edouard Perrin. Alors on va écouter maintenant Denis Robert, donc journaliste qui lui aussi a dû faire face à la justice luxembourgeoise. C'était dans l'affaire Clearstream. Il était présent donc aux côtés d'Antoine Deltour hein, lors du premier jour du procès. C'est un extrait d'un entretien avec cette fois la chaîne d'information Itélé. C'était le 26 avril 2016. Il y a une directive sur le secret des affaires qui va complètement à l'opposé de tout ça. On voit bien que ce qui se joue là, en fait, c'est c'est le business, quoi, c'est les affaires, et que ces banques ou ces multinationales veulent absolument continuer à nous faire les poches. Et quand je dis nous faire les poches, c'est Antoine Deltour qui nous l'a démontré par ses documents, puisqu'en allant dans les arrières-cuisines négocier des accords fiscaux, ils payent pas d'impôts, et en face, vous avez les citoyens, les gens comme vous et moi, qui ont payé en plein. Cette affaire, elle révèle ça. Et le truc qui est absolument terrible et scandaleux, c'est de voir que les gens qui sont poursuivis, ce sont ceux qui nous amènent ces révélations. Donc effectivement, c'est pour ça que ce procès est important au-delà de la personnalité d'Antoine et de ce qui se passe. C'est vraiment que le public, les gens prennent conscience de la folie totale dans laquelle on est. C'est quand même, si on prend un peu de recul sur cette situation, on est quand même dans un tribunal avec des types qui sont accusés, poursuivis. On veut les condamner alors que ce sont les seuls qui ont œuvré pour le bien public. Et qu'en face, vous avez des magistrats dans leur costume d'apparat ou des gens comme ces gens de Pricewaterhouse qui sont les vrais voleurs et les vrais complices. Et ce sont eux qui instruisent le procès. Donc c'est comme ça. C'est contre ça qu'il faut se battre. Et c'est pour ça que je suis là, quoi. Bon, belle démonstration, hein. On a tout compris. J'imagine que vous partagez ce sentiment. Bien sûr. Je partage totalement ce sentiment. Et en fait, en étant au procès, c'était effectivement vraiment très bizarre de voir les questions qui étaient posées par les magistrats, aux lanceurs d'alerte, aux journalistes. On est vraiment dans une situation totalement... on marche sur la tête, effectivement, avec la personne qui était flouée, c'était Price, donc dans ce procès. Et comment ose-t-on s'en prendre au coupable présumé, hein, voilà, exactement. Et au final, les deux lanceurs d'alerte donc ont été condamnés à des peines de prison avec sursis. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir le raisonnement du tribunal du Luxembourg qui les a condamnés, considérant que à la fois, effectivement, ils avaient bien été des lanceurs d'alerte, mais que d'un autre côté, la loi ne protégeait pas les lanceurs d'alerte au Luxembourg et ni au niveau européen. Et c'est là pour ça que la directive sur le secret des affaires, effectivement, a quelque chose vraiment de très mauvais pour les lanceurs d'alerte, puisque cette directive ne protège pas les lanceurs d'alerte comme Antoine Deltour. Elle protège certains lanceurs d'alerte qui dénoncent des choses qui sont manifestement illégales. Or, les tax rulings n'étaient pas illégaux au Luxembourg. Du coup, Antoine Deltour n'est pas protégé. Bah, secret des affaires, tout est dit hein, dans secret des affaires. C'est comme le secret défense, vous voyez. On sort ça et on dit vous arrêtez de mettre le nez. Et vous arrêtez d'enquêter aussi. C'est aussi ça aussi qui était très gênant dans ce procès, c'est qu'on a fait le procès aussi du journalisme. Finalement, Édouard Perrin a été acquitté, mais pendant le procès, le procureur s'en est pris à ses méthodes, lui reprochant d'aller chercher des informations confidentielles. Alors, c'est tout vraiment... c'est bien la définition du métier de journaliste, c'est bien ça. Bien, effectivement. Nicolas Cory, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous-même, donc pour ce site qui s'appelle Les Jours, hein, c'est un média en ligne payant, bah oui, l'information ça se paye aussi, avec des enquêtes souvent passionnantes, dont la vôtre, c'est-à-dire donc sur lesjours.fr. Exactement, ça. Voilà, 1 euro en ce moment si vous voulez découvrir le site. Très bien, merci beaucoup Nicolas Cory, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le dossier LuxLeaks, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons Françoise Dolto et nous reviendrons sur sa vie et son œuvre également dans la fiction de vendredi. Voilà,